On a vu précédemment qu'Aristote établissait un lien fort entre l'analyse logique du sujet et l'analyse ontologique du sujet. Donc pour lui, la question principale, c'était de savoir qu'est-ce qui permettait d'expliquer l'identité d'un être à travers le temps, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait qu'un être restait le même au cours du temps. Et pour lui, ça s'expliquait par la permanence de la substance, donc autrement dit, la permanence chez un être de certaines propriétés lui appartenant de façon essentielle, par opposition à la variation de ses propriétés accidentelles. Voilà. Prenons l'exemple, Socrate. Bon, Socrate vieillit au cours du temps, mais donc son corps peut changer. Bon, sa barbe peut pousser, elle peut couper. Donc ça, c'est avoir une barbe, c'est une propriété accidentelle. En revanche, Socrate est un homme. Ça, c'est une propriété essentielle. Ça fait partie de sa substance. Donc ça ne change pas. Et donc, comme pour Aristote, il doit y avoir correspondance entre l'analyse ontologique et l'expression logique du sujet, eh bien, dans nos énoncés qui portent toujours sur un sujet, cette différence devait apparaître. Alors, ce qu'on voit que chez Aristote, on avait une analyse objective du sujet, hein, c'est-à-dire que c'était une analyse qui se faisait indépendamment de sa conscience, indépendamment du point de vue interne du sujet. Le problème de la conscience dans l'analyse du sujet, c'est davantage un enjeu de la pensée moderne. C'est surtout ça qui va nous intéresser dans la suite du cours. C'est cette question du sujet humain en tant qu'être conscient, et avec cette idée que c'est la conscience qui nous distingue en quelque sorte des autres êtres. Donc cette idée-là, elle émerge dans la pensée moderne, en particulier à partir du XVIIe siècle. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'y avait jamais pensé avant, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça devient un enjeu très important, où la notion de sujet va être redéfinie et conçue avant tout comme être pensant et agissant. Ce qu'on va trouver en particulier chez deux auteurs qui sont Descartes et Locke. Alors, dans une célèbre expérience de pensée que Descartes accomplit dans un ouvrage qui s'appelle Les Méditations métaphysiques, eh bien, celui-ci a tenté de ressaisir ce qui caractérisait de façon essentielle l'être humain. Et il nous dit, voilà, comment essayer de trouver ce qui est essentiel en nous? Eh bien, pour cela, il mettait en place une expérience du doute. Et il nous dit, essayons de douter de tout. Et alors, si j'essaie de douter de tout, eh bien, je peux douter de ma perception, des choses autour de moi, je peux douter, de mon propre corps, mais en revanche, je ne peux pas douter de mon propre esprit. Je ne peux pas douter de mon propre esprit. Pourquoi? Parce que si je suis en train de douter, c'est bien que je suis en train de penser. Et donc vous avez cette fameuse formule, je pense donc je suis. Si je pense, c'est bien que j'existe. Mais j'existe peut-être uniquement en tant qu'être pensant. Donc c'est comme ça que Descartes arrive à cette idée que l'homme est avant tout un être pensant. C'est la pensée qui le définit et pas le fait d'avoir un corps. À la limite, ça pourrait être presque une propriété accidentelle. En revanche, être pensant, être conscient de soi-même, ça, voilà, ça c'est une propriété essentielle de l'être humain. Le sujet humain est d'abord un être pensant. Alors, Descartes conçoit ce sujet par opposition à l'objet. Alors, l'objet, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'objet, il faut prendre ça au sens un petit peu étymologique. Le mot objet, ça vient de objectus, et objectus, en latin, ça signifie littéralement jeter là. Donc l'objet, c'est ce qui est jeté devant moi, c'est quelque chose qui est face à moi. Donc le sujet, c'est l'être qui pense, l'objet, c'est toute chose qui lui apparaît, qui se présente à lui, et dont il peut avoir conscience, à quoi il peut penser. Par exemple, moi, voilà, je suis sujet, face à moi, il y a une table, cette table est objet pour moi de perception. L'arbre dans le jardin, c'est un objet pareil de jugement, de vision, d'appréciation, mais il est objet pour moi, il est quelque chose qui est devant moi que je peux percevoir. Bon, pour Descartes, l'homme est sujet parce qu'il est doté de pensée, hein, parce qu'il est conscient, mais les êtres dépourvus de pensée, comme les animaux et les plantes, ne sont qu'objets pour nous. Nous pouvons les observer, les étudier, les manipuler, mais ils ne sont qu'objets et rien d'autre. Seuls les êtres humains sont sujets, c'est-à-dire seuls les êtres humains sont des êtres conscients et capables en même temps d'agir par eux-mêmes, de considérer le monde un petit peu d'un point de vue subjectif, alors que les objets, purement et simplement, ne sont que des choses à notre disposition autour de nous. Alors, donc pour Descartes qui nous dit ça, donc on a vu, voilà, le corps apparaît plus ou moins comme une caractéristique accidentelle, puisque à la limite on pourrait dire nous pourrions être des esprits sans les corps. Hein, ça, c'est un petit peu l'enjeu qu'il y a derrière pour Descartes, c'est d'essayer de prouver que l'âme pourrait exister séparément du corps. Hein, ça, c'est un petit peu son idée. Donc si l'homme est essentiellement être de pensée, bah, alors à la limite, le corps, bon, on n'en a pas vraiment besoin pour le définir. Mais bon, le problème qu'il y a derrière ça, c'est que la pensée d'un être, d'un sujet, elle n'est jamais accessible que par le sujet lui-même, de façon interne. C'est-à-dire que moi, mes pensées, les autres êtres humains, qui sont eux aussi des sujets, qui sont eux aussi des êtres conscients, ils n'y ont pas accès de façon directe. Hein, à moins qu'on prouve que la télépathie existe, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, la télépathie, ça n'existe pas. Hein. On peut essayer de deviner les pensées des autres, mais on ne peut pas vraiment rentrer dans leur esprit. Hein, ça, l'esprit, c'est que la pensée, c'est quelque chose de privé. Donc, comment est-ce qu'on perçoit les autres? Ben, on les perçoit d'abord à travers leur corps. Donc, Descartes nous dit finalement, nous ne sommes que des esprits. Le corps, bon, oui, bien sûr, on a un corps, mais c'est, entre guillemets, ça apparaissait comme quelque chose de secondaire. Mais enfin, dans notre rapport les uns avec les autres, entre êtres humains, le corps, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. Nous percevons les uns les autres comme des corps. Et c'est d'abord par là, c'est d'abord en tant qu'être physique que nous existons. Le sujet réel, contrairement au sujet grammatical, le sujet logique dont on avait parlé précédemment, qui n'existe que dans un discours, le sujet réel, le sujet humain, c'est un être qui existe dans le monde comme corps vivant. Et ça, un petit peu Descartes, avec sa pensée qui était focalisée sur la conscience, de dire l'homme est avant tout conscience, l'homme est avant tout pensée, bah, il avait un petit peu négligé d'une certaine façon le corps. En tout cas, il lui avait mis dans une. Il avait considéré le corps de façon un petit peu secondaire. Et donc, nous, en tant que sujet humain, nous sommes aussi des corps, nous sommes même peut-être avant tout les uns les autres des corps. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps? C'est un être que l'on peut observer de l'extérieur. Comme n'importe quelle chose d'ailleurs. Voilà, l'arbre, la plante qui est dans mon jardin, ou l'animal, l'oiseau qui vient dans le jardin, bon voilà, on peut l'observer. La pierre aussi, c'est une chose qui peut être observée. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que le sujet, bon, certes, il est conscient, mais avant d'être conscient, c'est aussi d'abord un corps, c'est d'abord un objet physique. Et c'est en ce sens que Jean-Paul Sartre considère que le sujet, il peut d'abord être considéré comme être en soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire un être en soi? C'est une chose considérée indépendamment de sa conscience. C'est une chose considérée à partir de ses propriétés objectives. Donc voilà, l'être en soi d'une chose, ça renvoie à toutes les propriétés qu'on peut lui attribuer en l'analysant d'un point de vue extérieur. Et ces propriétés, on peut voilà, les lui attribuer quelle que soit sa pensée. Voilà, par exemple, bon, bah, l'arbre dans le jardin, il a un tronc, il a des feuilles, ça c'est ce que je vois. Ce sont des propriétés qui lui appartiennent. Bah, par exemple, tel caillou, je peux dire qu'il a une forme sphérique, qu'il est gris, qu'il pèse 20 grammes, qu'il se trouve dans le jardin. Mais je peux aussi appliquer exactement la même analyse à un être humain. Je peux décrire un être humain, je vais dire, voilà, telle personne mesure 1,80 m, pèse 70 kilos. Je peux, à partir de l'observation de son comportement, je peux dire, il est persévérant, il a un mauvais caractère. Voilà. Toutes ces caractéristiques, toutes ces propriétés, elles lui appartiennent, entre guillemets, de façon objective, parce que ce sont les observateurs qui lui reconnaissent, et qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non. Donc ça définit son être en soi, c'est ce qui lui appartient indépendamment de sa conscience. Mais en même temps, et donc là, à ce moment-là, Sartre rejoint quand même Descartes. Sartre nous dit, un sujet humain, contrairement à un caillou ou à n'importe quelle chose inerte, ben, il ne se réduit jamais à son être en soi. C'est-à-dire, il ne se réduit pas à une liste de propriétés figées dans le temps. Le sujet, c'est un être conscient, donc qui va être capable de se saisir lui-même, de se percevoir lui-même, mais aussi de se projeter au-delà de son existence actuelle. C'est-à-dire, bon, bah, par exemple, voilà, aujourd'hui je suis étudiant, je fais mes devoirs, voilà, ça c'est ce que je suis actuellement, mais je me projette dans l'avenir, je ferai tel métier, je ferai tel voyage, voilà, et je ne serai pas réduit à ce que je suis aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que Sartre considère que le sujet humain, il est certes être en soi, comme n'importe quelle chose, comme les arbres, les cailloux, bon voilà, mais il est aussi être pour soi. Être pour soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il définit lui-même son propre être à partir de sa conscience, à partir de sa pensée. Parce qu'ils sont conscients, les êtres humains peuvent réfléchir à ce qu'ils sont, au sens de leurs actions, au sens de leur existence. Et selon Sartre, le sujet humain, il a toujours la possibilité de dépasser sa condition actuelle. Il n'est pas enfermé dans une définition. C'est par ses actes qu'il se définit au fil de son existence. Là, sur ce point-là, Sartre cherche surtout à s'opposer à ce que nous disait Aristote. Quand Aristote nous disait, voilà, il y a une substance. Chaque être, bon, certes, il a des propriétés accidentelles. Voilà, bon, j'ai mes cheveux qui poussent, mais je pourrais toujours les couper. Mais à côté de ça, pour Aristote, il y avait des propriétés essentielles, celles de la substance, des choses qui ne changent pas, qui nous définissent absolument. Eh bien, Sartre, lui, il s'oppose à ça, il nous dit non, en fait, bon, tout ce que nous sommes, à un moment donné, nous pouvons le dépasser, nous pouvons le transcender, devenir autre chose. Voilà, nous pouvons chaque fois dépasser notre être. C'est ça qui nous définit en tant qu'être humain, c'est en tant qu'être conscient, c'est un être qui peut dépasser son existence présente vers d'autres existences possibles. Il donne un exemple, il prend l'exemple de Jean Genet, donc l'écrivain Jean Genet. Bon, bah, au départ, Jean Genet, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu défavorisé, qui a survécu dans sa jeunesse en volant, par des petits larcins. Et il s'était vu, dans sa jeunesse, imposer une identité négative. On disait, voilà, c'est un voleur, c'est un mauvais garçon. Mais finalement, il n'est pas resté enfermé dans cette définition. Hein. C'était pas sa substance. Pour reprendre Aristote, hein. C'était pas sa substance. Un Genet, il a cherché à rompre avec cette identité, il s'est projeté au-delà de cette identité qu'on lui avait imposée à un moment donné, et puis il est devenu écrivain, c'est devenu un intellectuel reconnu qui participait à la vie de la société. Et donc Sartre, voilà, insiste là-dessus, sur le fait que le sujet humain, bon, certes, on peut lui attribuer de l'extérieur certaines propriétés, hein. Il a un être en soi, il a des propriétés qui lui appartiennent objectivement, mais c'est pas ça qu'il définit prioritairement. Au fond, pour Sartre, le sujet humain, c'est avant tout un être pour soi, c'est-à-dire un être qui peut se définir lui-même par ses actes conscients et réfléchis. Voilà. Alors, à partir de tout ça, quelle synthèse on peut retenir sur cette notion de sujet? Ben, le sujet humain, première chose, bah, c'est d'abord ce que nous ont dit Descartes et Sartre, c'est un être pensant, conscient de lui-même. Mais on peut ajouter, c'est un être qui est en rapport avec d'autres êtres, qui sont pour lui objets, voilà, c'est-à-dire ce sont des choses qui lui apparaissent. Il peut prendre conscience de ces êtres, interagir avec eux. Et enfin, on peut aussi rajouter que parmi les objets qui apparaissent à la conscience d'un sujet, certains ne sont pas de simples choses, ce sont aussi d'autres sujets également conscients, et donc ça va être tout un des enjeux dans la suite du cours, c'est d'essayer de comprendre quels vont être ces rapports entre différents sujets, entre différents êtres qui ont chacun leur propre conscience, mais qui sont chacun enfermés dans leur conscience, mais en même temps qui se perçoivent les uns les autres, voilà, qui apparaissent les uns aux autres. Donc, dans la suite du cours, nous allons étudier cette notion de conscience.